Today, I'd like to talk further about the true nature that we can experience during the practice. And whether you've experienced it or not, it's important to know about it in a theoretical way, whether you've experienced it this way or not. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre à propos de la nature réelle de l'expérience qu'on peut expérimenter au cours de la pratique. Que vous ayez expérimenté cette nature réelle ou non, il est important d'en avoir à tout le moins une connaissance théorique. Donc on a déjà dit plusieurs fois qu'il était important que le yogi observe l'objet au moment où il apparaît, au moment de son apparition, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra observer, qu'il pourra percevoir la véritable nature, sa bhava. J'aimerais parler de la véritable nature qu'on peut expérimenter au moment des expériences sensorielles. J'ai déjà donné l'exemple de ce qui se produisait au moment de l'audition, et donc j'aimerais poursuivre. Qu'est-ce qui est présent au moment de l'audition? Tout d'abord, en premier, il y a la base de l'oreille. Et quand on dit l'oreille, on ne pense pas seulement à la grande oreille sur le côté du visage, on pense aussi aux éléments qui sont à l'intérieur de l'oreille. Lorsque ces éléments, lorsque le récepteur à l'intérieur de l'oreille fonctionne bien, est en bonne santé, on peut entendre. Mais s'il est abîmé, il n'est plus possible d'entendre. En deuxième lieu, il faut qu'il y ait une onde sonore. L'onde sonore frappe la partie sensible de l'oreille et on dit communément une personne entend. Mais en réalité, c'est une conscience auditive qui apparaît. Et avec cette conscience auditive apparaît le contact entre le son et l'esprit au niveau de la base auditive. Aussi, au moment du contact, si c'est un objet agréable, si c'est un objet que le yogi aime bien, il y aura un ressenti agréable. Et au contraire, si c'est un objet qui n'est pas trop plaisant, il y aura un mauvais contact et un ressenti désagréable. Donc il y a les ressentis agréables, désagréables, il y a aussi les ressentis neutres, mais ces ressentis-là ne sont pas trop perceptibles aux yogis débutants, et donc il vaut mieux se limiter d'abord aux ressentis agréables et désagréables, plus facilement perceptibles. Les deux premiers éléments dont on a parlé qui sont présents au moment de l'audition, la base auditive et l'onde sonore, on dit que c'est physique, que c'est des éléments physiques. En pali, on dit rupa, la matérialité. Par contre, la conscience auditive et le contact qui lui est associé, ainsi que le ressenti, ressortissent du mental. En pali, on dit nama. Alors, l'audition est un processus qui est composé de différentes parties. On dit communément, on entend, et l'instruction, c'est aussi de noter, quand il y a audition, de noter entendre, entendre. On utilise un mot commun, conventionnel, afin d'aider la concentration à émerger. Même si, en réalité, il s'agit d'un processus qui est composé de différentes parties. On note le tout, on note l'ensemble, on note entendre, même si en fait, il y a plusieurs parties à l'intérieur. Donc on place son attention sur l'ensemble du processus, sur l'ensemble de l'audition. Il faut éviter de sélectionner une partie du processus comme l'oreille, l'onde sonore, la base auditive ou le ressenti, par exemple. Mais par contre, quand on note l'ensemble de cette façon-là, les parties vont nous apparaître. Alors un exemple de la façon dont ça fonctionne, de la façon dont on peut devenir conscient des parties tout en observant l'ensemble, c'est celui d'un visage. Donc quand on rencontre une personne, Si on veut connaître les détails de son visage, il faudra d'abord qu'on regarde l'ensemble, on regarde le visage entier. On ne va pas directement aller voir l'œil ou le nez, par exemple. Mais en continuant à observer le visage, naturellement, l'esprit va se déplacer vers les yeux, vers le nez, vers le menton, etc. Et il va les connaître. Le facteur qui permet cela, qui permet lorsqu'on regarde une chose dans son ensemble, de finalement en connaître les détails et les parties, c'est l'attention. En pali, on dit manasikara. Donc on connaît l'objet lorsqu'on l'observe au moment où il apparaît. Donc on perçoit l'audition, on connaît l'audition et on l'observe au moment où elle apparaît. Et pour être en mesure de l'observer au moment où elle apparaît, il faut qu'on élimine les pollutions mentales. Quand les pollutions mentales sont éliminées, alors c'est sati, le facteur mental de sati, de l'attention, qui arrive en premier sur l'objet. Donc si sati arrive en premier, même si c'est un son plaisant qui nous parvient, l'avidité n'aura pas le temps de se manifester. Si c'est un son déplaisant, la colère n'aura pas le temps d'apparaître. On dit de sati, de l'attention, qu'elle protège l'esprit. Elle protège contre l'avidité, la colère et aussi les autres pollutions mentales. Donc c'est important que l'avidité et la colère n'apparaissent pas. Lorsque sati protège l'esprit à l'avance, c'est-à-dire avant que les pollutions mentales ne puissent apparaître, sati devient continu, l'attention devient continue, sans interruption, et c'est ce qu'on appelle la pureté de l'esprit. Donc, afin de parvenir à cette continuité de l'attention, il faut que le yogi soit prêt, que son esprit soit alerte, qu'il soit décidé, et s'il fournit cet effort, ça va empêcher la paresse de se manifester. Par contre, si son effort est trop mou, il ne parviendra pas à parvenir à l'objet au moment où il apparaît. Donc l'effort d'observer l'objet amène dans son sillage sati. Et avec cet effort, donc, l'esprit n'ira nulle part, il n'ira pas ailleurs. Aussi, cet effort va amener finalement samadhi dans son sillage, la concentration. Donc, le facteur de l'effort empêche la paresse. Sati, de son côté, protège l'esprit contre les pollutions mentales. Les pollutions mentales ne peuvent pas entrer dans l'esprit. Donc, sati met l'esprit en sécurité. La concentration, quant à elle, unifie l'esprit, rend l'esprit pur, et la concentration est une base nécessaire pour le développement de la connaissance, à commencer par la distinction de l'esprit et de la matière. Donc c'est similaire en ce qui concerne la vision, donc le moment de la vision. La véritable nature, là aussi, peut apparaître. Qu'est-ce qui constitue la véritable nature? Il y a d'une part la base de l'œil, c'est-à-dire les parties sensibles de l'œil capables de recevoir des images. Il y a l'objet visible qui va percuter la base de l'œil. Avec la science, on sait que c'est la lumière qui percute l'œil, qui entre dans l'œil. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, quand l'objet visible percute la partie sensible de l'œil, la conscience visuelle apparaît et dans son sillage apparaît le contact lorsque l'esprit et l'objet visible entrent en contact. Et dans son sillage aussi apparaît le ressenti qui peut être plaisant, déplaisant ou neutre. Donc la base sensorielle de l'œil et l'objet visible ressortissent tous deux de rupa, la matérialité. Quant à la conscience visuelle, au contact et au ressenti, ils ressortissent tous trois de l'esprit, nama. Donc, quand la vision se produit, on la connaît dans son ensemble et on place l'attention au niveau de l'œil. Et on note voir, voir, voir. Donc, même si on le note dans son ensemble, par moment, des parties du processus vont nous apparaître séparément. De la même façon pour l'odorat, on a d'une part la base du nez, les organes capables de réceptionner l'odeur à l'intérieur du nez, et puis il y a l'odeur qui est transportée par le vent et qui percute la partie sensible du nez. Donc quand l'odeur percute la base olfactive, la conscience olfactive apparaît, et dans son sillage, le contact, et avec lui aussi le ressenti agréable, désagréable ou neutre. Lorsque l'odeur est fragrante, délicieuse, il y a un contact, un bon contact, et il y a aussi un ressenti agréable. Par contre, lorsque l'odeur est infecte ou dégoûtante, il y a un mauvais contact. Peut-être que cet élément-là ne vous apparaît pas, mais je dois le traduire tel quel. Et en plus du mauvais contact, il y a un ressenti désagréable. Donc si Sati est là en premier, la colère ne peut pas apparaître, ou l'avidité ne peut pas apparaître avec un ressenti agréable ou désagréable. Mais si la colère ou l'avidité apparaissent quand même, soignez-les en notant colère, colère, désir, désir, etc. Donc ces pollutions mentales, on devrait les noter jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Donc lorsque l'on mange ou lorsque l'on boit, il y a le goût qui apparaît. Et pour que le goût apparaisse, il faut qu'il y ait d'une part des récepteurs sur la langue, des récepteurs du goût, et il faut qu'il y ait un objet gustatif. Celui-ci se trouve dans la nourriture. Lorsqu'on mâche la nourriture, il se révèle et il atteint les récepteurs qui sont placés sur la langue. Par exemple, l'amertume, le goût sucré, le goût piquant, le goût astringent, le goût salé, le goût aigre. Et lorsqu'on connaît ces goûts, la conscience gustative apparaît, et avec la conscience gustative apparaît le contact, et puis aussi le ressenti agréable, désagréable ou neutre. Il faut qu'on soit prudent lorsqu'on mange, lorsque c'est une nourriture qu'on aime. Il ne faut pas donner l'occasion à l'avidité d'apparaître. Lorsqu'on se réjouit d'une nourriture, il ne faut pas laisser l'avidité se développer. Et à l'inverse aussi, si c'est une nourriture qu'on n'aime pas, mais qu'on s'oblige malgré tout à manger, il faudra veiller à ne pas laisser la colère apparaître. C'est utile dans ce cadre de noter voir, voir, avant d'amener la nourriture à la bouche, avant de commencer à mordre la nourriture. Il peut être utile de noter d'abord voir, et puis d'observer le mouvement qui est fait pour aller vers la cuillère, pour amener la nourriture à la bouche, pour replacer éventuellement le bras avant de commencer à mâcher. Et puis on note mâcher, mâcher, ou goûter, goûter. Ça dépend en fait, parfois c'est l'aspect mâché qui va nous apparaître de façon prédominante, parfois c'est le goût qui va ressortir plus fort. On note l'objet qui est prédominant. On note ainsi mâcher, mâcher, mâcher. Peut-être après avoir noté une dizaine de fois mâcher, peut-être que vous aurez l'impression qu'il n'y a plus aucun goût qui apparaît, que la seule chose qu'on peut encore noter, c'est le processus du mâchage. Et puis quand tout est mâché, qu'il n'y a plus de nourriture, on avale, et à ce moment-là, avant de prendre la cuillerée suivante, on peut noter assis, assis. Donc, en réalité, le processus de la nourriture est très intéressant. Dans les textes, il est dit que beaucoup de personnes ont atteint l'illumination alors qu'elles observaient le repas. Dans les commentaires, plus précisément, il est dit qu'au Sri Lanka, il n'y a pas un seul endroit où les moines consomment en général les aumônes qui leur sont faites. Donc il y a beaucoup de tels lieux au Sri Lanka, sur le territoire du Sri Lanka, où les moines simplement, prévus pour les moines pour qu'ils puissent manger l'aumône qui leur est faite. Et il est dit dans les commentaires qu'il n'y en a pas un seul de ces lieux où il n'y a pas eu une personne qui soit devenue, qui ait atteint l'illumination, qui soit devenue arhat, ou en tout cas qui ait atteint le premier stade de l'illumination. Et donc ça illustre bien l'importance de l'observation au moment du repas. Donc essayer de comprendre que c'est un moment en fait où l'esprit peut être à l'aise et peut s'intéresser beaucoup à l'objet de méditation. Essayez donc d'être aussi attentif que possible au moment du repas. Donc au moment où l'on goûte, pour que le goût se produise, il faut qu'il y ait la base de la langue, il faut qu'il y ait un objet gustatif, ça c'est physique. Et par ailleurs, il faut qu'il y ait la conscience gustative, qu'il y ait le contact et le ressenti, et ça c'est mental. Donc maintenant, on en arrive au toucher. Dans l'expérience du toucher, il faut qu'il y ait la base du corps. Alors le corps, c'est très grand et le toucher peut se produire à travers l'ensemble du corps. Il y a des récepteurs tactiles à la fois à l'intérieur et à la surface du corps. Donc en fait, n'importe quel endroit du corps où il y a de la chair et où il y a de l'humidité peut être sensible au toucher. Par exemple, les cheveux ou alors les ongles des doigts de la main ou des doigts de pied ne sont pas sensibles, mais tous les autres endroits du corps où il y a de la chair et de l'humidité sont capables de recevoir les objets tactiles. Ensuite, il y a les objets tactiles, et ceux-là, ils sont de trois types. D'abord, on a ceux qui sont durs ou mous, ou bruts ou délicats. Le deuxième type d'objets tactiles, c'est ceux qui sont ressentis comme serré ou comme raide ou comme en mouvement. Et le troisième, enfin, c'est ce qui est ressenti comme de la chaleur ou de la fraîcheur ou du froid. Alors, il y a beaucoup d'objets tactiles à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Lorsque quelque chose de dur percute le corps, la dureté est connue. Lorsque quelque chose de mou percute le corps, la mollesse ou la douceur est connue. Lorsque quelque chose de chaud percute le corps, il y a la connaissance de la chaleur et puis le contact aussi. Lorsque quelque chose de froid, c'est le froid qui est connu. Lorsque c'est quelque chose de tendu, c'est la tension qui est connue. Et puis, il y a beaucoup d'autres types de sensations encore et des variations sur le même thème. Donc, quel que soit l'objet tactile, lorsque l'objet tactile percute la base du corps, il y a la conscience tactile qui apparaît et dans son sillage, le contact et aussi le ressenti. Alors, il y a aussi les activités de l'esprit. Pour les nommer ainsi, par exemple, des images, des sons peuvent nous apparaître, même s'ils n'existent pas vraiment. Ils apparaissent dans l'esprit. Mais on les perçoit comme s'ils étaient réels, comme si on les voyait, comme si on les entendait, comme si on les sentait, comme si on les goûtait, comme si on les touchait. Ce sont en fait des objets imaginaires, et ces objets imaginaires apparaissent à la base du cœur. Et ces objets imaginaires aussi devraient être notés tels qu'ils sont. Et lorsqu'on les note, on devrait placer son attention au niveau du cœur. Donc les objets imaginaires doivent être notés au niveau de la base du cœur. Sinon, il y a aussi l'esprit et la matière apparaissent aussi au moment des activités générales, par exemple lorsqu'on tend un membre, lorsqu'on le replie, lorsqu'on s'assied, lorsqu'on se lève, au moment du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Donc toutes les activités qui sont accomplies devraient être observées au moment où elles sont accomplies. Et de cette façon aussi, on pourra voir l'esprit et la matière. Lorsque les obstacles à la concentration sont éliminés, donc quand les pollutions mentales sont écartées, le yogi en vient à savoir que le soulèvement est un processus distinct, que l'abaissement est un processus distinct, que l'assis, le phénomène de l'assise est un processus distinct, que le toucher est un processus distinct. Par exemple, le soulèvement de l'abdomen ne se mélange pas avec l'abaissement de l'abdomen. On les voit bien distinctement. Ces objets physiques apparaissent distinctement. Le yogi aussi en vient à voir la différence entre différents processus mentaux. Par exemple, le processus de noter l'objet et celui de connaître l'objet. De noter par exemple le soulèvement et puis de connaître le soulèvement. Aussi, le yogi en vient à voir que le mouvement de soulèvement est distinct de la connaissance de ce mouvement de soulèvement, que le mouvement d'abaissement est distinct de la connaissance de ce mouvement d'abaissement. Le yogi commence à voir comment distinguer les processus physiques et mentaux. Et cette connaissance procède de ce qu'il observe, de ce qu'il remarque, et non pas de ce qu'il pense. De même, le yogi commence à voir de façon distincte les expériences des sens. Il voit par exemple au moment de la vision, il voit que la base de l'œil, ce n'est pas la même chose que la vision de l'objet. Pardon, de l'objet qui est vu. Que la base de l'œil, ce n'est pas la même chose que l'objet qui est vu. Et ce n'est pas la même chose non plus que la vision elle-même. Toutes ces choses sont distinctes. Donc le yogi commence aussi à percevoir différents facteurs mentaux. Il voit par exemple que l'esprit a la nature de s'incliner, de tendre vers l'objet et de la nature de connaître l'objet, alors que la matérialité ne dispose pas de cette qualité. Donc, de façon générale, les processus mentaux ont cette qualité de connaître l'objet, alors que les processus matériels sont dépourvus de cette qualité. Et en observant cela, le yogi parvient à distinguer clairement ce qui ressortit du mental et ce qui ressortit du matériel, de la matière. Donc lorsque ce stade atteint sa maturité, le yogi, donc ce stade qu'on appelle le discernement du corps et de l'esprit, quand ce stade atteint sa maturité, les yogis savent qu'il n'y a que le physique et le mental, et qu'en dehors du physique et du mental, il n'y a pas de soi. Il y a seulement des processus physiques et mentaux, et il n'y a pas d'autres processus en dehors de ça. Discerner de cette façon, c'est quelque chose qui apparaît naturellement en appliquant les instructions, en observant selon les instructions. Et discerner de cette façon, c'est aussi une base nécessaire pour le développement des autres connaissances. Vous êtes en bon chemin pour développer ce stade, ou alors vous l'avez déjà développé. J'espère que vous retirerez tous de cette pratique les bénéfices que vous attendez. J'aimerais encore ajouter une chose. J'ai mentionné beaucoup de choses. Parfois, les yogis expérimentent beaucoup de choses différentes, mais parfois aussi, ils expérimentent une seule chose ou une seule fois. Ce n'est pas une question d'expérimenter tout. Lorsque vous aurez expérimenté cela, dans votre pratique, vous le saurez. Sadhu, sadhu, sadhu. And I'd like to add one thing, which is just that I mentioned many things. Sometimes yogis experience a lot of them. Sometimes yogis experience just one type of experience that tells them in these ways, in some way, that mind and matter are different. So this is, it's not a matter of experiencing every single type of thing that has been mentioned. You will know from your practice if you've experienced this or not. So that's all. Sadhu, sadhu, sadhu.